Bonjour tout le monde, Danny Veilleux, le bulletin de sport complet de l'édition du 1er mars. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional en parlant que c'est la finale des Jeux du Québec en fin de semaine qui se déroulera. C'est la 54e finale provinciale. Ça se déroule à Québec. Ça va ouvrir demain. Et en entrevue sur les ondes de danradiosport.com, la chef de mission du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Alexandra Larouche, a fait part des projections de l'équipe du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et dans un premier temps, on s'attend quand même à une bonne performance. On a des bonnes prévisions. C'est sûr qu'on a des sports là qui sont qui ressortent du lot. Si tu veux, je peux m'avancer un petit peu sur les sports qui sont à surveiller. On a le bloc 1 de compétition du 2 au 5 mars qu'on a notamment le biathlon. Le biathlon qui est nouvellement aux Jeux du Québec cette année. C'est la première fois là qu'ils sont aux Jeux du Québec depuis bien des années. On a une bonne base là dans la région, surtout grâce au corps de Québec. Donc, on a quand même plusieurs jeunes qui le pratiquent. Au bloc 2 de compétition du 6 au 9 mars, là, on a le judo, patinage de vitesse. Normalement, on a des bons résultats. On a peut-être le curling féminin masculin. Ils avaient tenu quand même là il y a 2 ans. Donc, Et dans un deuxième temps, Alexandra Larouche nous parle de qu'on a quand même un certain objectif de médaille. Je te dirais qu'avec les nouvelles applications qui est le 12 à 17 ans, maintenant les athlètes sont obligés d'avoir entre 12 et 17 ans. Okay. Et il y a également le critère espoir à aller obtenir. On a des résultats de médailles qui apparaissaient les années passées, mais je veux pas nécessairement m'avancer vu que les deux critères ont apparu cet été. On a quand même eu une petite baisse au niveau des médailles, mais d'après moi, on devrait avoir quand même des bons résultats, là, surtout au niveau du bloc 2. OK. La nouvelle hebdo nous apprend qu'il y a quand même 9 athlètes de la MRC Maréchal-Denis qui vont participer à ces Jeux du Québec. Il s'agit d'abord de Sandrine Dion, Annabelle Lavoie et Maxence Pouliot d'Albanel. Ils vont évoluer en ski de fond. Alexandre Raoul, Derek Tanassette, Coralie Potvin et Dominique Robert de Dolbeau. Mais ceci, eux, vont participer en haltérophilie à cette compétition. Et Coralie Potvin, tant qu'elle sera à Québec, et elle va participer en badminton à ces Jeux. Patrick David de Saint-Thomas-Didienne évoluera en biathlon. Et Amélie Courchain de Dolbeau. Mais ceci, tant qu'elle va participer en ski alpin à cette compétition. Donc, on aura des reportages tout au long de cette finale des Jeux du Québec. Maintenant, on va parler de hockey simple lettre. Ça se déroulait au cours du week-end. D'abord, en novice A, faites à noter, en novice A, gain des Aiglons d'Alma 3-2 sur les Hurricanes de Roberval. Les Bulldogs, Saint-Félicien, défait les Éperviers Normandins 2-1. Et les Castors de Dolbeau ont défait les Patriotes de Saint-Bruno 4-0. Du côté de l'Atome A, il y avait des matchs également. Victoire des Éperviers de Normandin 1-0 sur les Hurricanes de Massouillage-Roberval. Du côté maintenant du côté de l'Atome B cette fois, un gain des Castors de Debout 8-2 sur les Sabres de Roberval. Ça se passait samedi. Bantam A. Également, les Bulldogs Saint-Félicien ont défait les Patriotes de Saint-Bruno 3-2. J'invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, je me suis entretenu d'abord avec différents intervenants du monde du sport. On a parlé avec Pascal Masson du désistement de John May Football avec les Alouettes. Également, je me suis entretenu aussi avec Robin Boulian des Castors de Dolbeau. Les séries commencent ce soir chez les Castors. Également, vous pouvez écouter Simon Gaudreau des Aigles de Roberval. Sport local et régional à danradiosport.com. On s'en occupe.